De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages, en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves et bonne année à toi. Et bonne année à toi aussi, à nos auditeurs également. On est ceinture orange, maintenant tu nous l'as dit dans la précédente chronique, on a des bases. Ouais, ça commence à devenir un bon là, vous, hein, si vous avez bien retenu tout ce que j'ai dit. On va pouvoir passer à un niveau supérieur dans la découverte de la communication non violente parmi les outils que je pratique. Exactement. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un message clair. C'est quoi un message clair? Alors, que c'est quand j'étais formée à Namur, c'est le terme qu'on utilisait pour transformer un jugement en une combinaison de faits, émotions et besoins. Je m'explique. Si j'émets un jugement du style « il est désinvesti dans son travail, oui, il n'en a rien à faire », c'est ce que je pense, c'est mon jugement sur la situation. En réalité, on va utiliser en CNV l'observation. On va décrire ce qu'on voit. Je l'ai déjà donné cet exemple la dernière fois. Je lui ai écrit un mail lundi, nous sommes vendredi, je n'ai toujours pas reçu de réponse. Ça, c'est le O de OSBD, l'observation, ce que j'observe. Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? Quelle émotion ça nous procure? Marshall Rosenberg dit le S de sentiment. Moi, je préfère dire émotion parce que je vous ai déjà expliqué la différence entre les deux. C'est important pour moi. Donc, quand Jean-Marc ne répond pas au vendredi à un mail que je lui écris le lundi, je suis agacée. Ça, c'est ce que je ressens. C'est pas sympa, Jean-Marc. Tu vois, justement, c'est ça la nuance. C'est que c'est pas sympa. Si je parle en jeu et que je dis que je suis agacée, j'endosse la responsabilité de ce que je ressens et je projette pas sur Jean-Marc le fait qu'il est pas sympa, ou le fait qu'il est saignant, ou le fait qu'il a des intentions mauvaises à mon égard. Je reprends la responsabilité. Donc quand Jean-Marc ne répond pas à mon mail au bout de 4 jours, je suis agacée. Et de quoi j'ai besoin en réalité? Si je ressens une émotion désagréable, l'agacement, c'est que j'ai un ou plusieurs besoins qui sont pas remplis. Donc ça peut être par exemple le besoin de fiabilité, de réactivité, d'efficacité, de communication. Et donc, je rappelle que les besoins, on les exprime de manière générique. On ne dit pas « j'ai besoin que tu répondes à mon mail ». Ça, c'est la réponse pratique, la stratégie. J'ai besoin de fiabilité. Donc, en fait, si je dis à Jean-Marc « je t'ai écrit un mail lundi, nous sommes vendredi et je n'ai pas reçu de réponse. Je suis agacé, j'ai besoin de fiabilité », il ne va pas du tout le recevoir de la même manière que de lui dire « c'est pas sympa que tu m'aies toujours pas répondu ». Déjà, on va dire « tu », et puis on va juger ça, sans connaître exactement le contexte de vie de Jean-Marc et la raison pour laquelle il n'a pas répondu. Ça peut déclencher un sentiment de défense après, une réaction de défense de la part de Jean-Marc. Il peut se refermer et le prendre très mal, même si c'est peut-être vrai qu'il a pris certaines choses à la légère. Il va moins avoir envie de faire un geste. En s'exprimant en message clair, on va favoriser l'ouverture chez l'autre. Ça n'est pas une garantie à 100%. Mais ça va favoriser le fait que l'autre l'entende et le reçoive mieux. Donc si par exemple aussi on fait un message clair positif, des fois on peut faire dire d'une personne « Ah, qu'est-ce qu'elle est gentille !» Mais en fait on peut aussi enfermer cette personne dans une forme d'étiquette si on fait ça. Donc on peut plutôt dire « Qu'est-ce que j'ai observé qui m'a fait penser qu'elle est gentille ?» Elle a rangé sa chambre ce matin sans que je lui demande, si c'est par exemple ma fille. Elle a rangé sa chambre ce matin sans que je lui demande qu'est-ce que je ressens? Je suis heureuse, je suis fière d'elle. Et à quel besoin elle a répondu? En faisant ça, elle remplit mon besoin de soutien, de coopération, d'autonomie. Et si on lui dit ça, je vois que tu as rangé ta chambre ce matin sans que je te le demande, qu'est-ce que je suis fière de toi? Là, je vois que tu es autonome. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de dire à quelqu'un qui remplit un besoin chez nous, mais déjà, décrire la situation et dire ce que ça nous fait, c'est déjà une très très bonne étape. Donc là, on va faire du renforcement positif, ce qui est valable en tant que parent vers un enfant, en tant que prof vers un enfant, en tant que patron envers son équipe. Et puis, si on n'arrive pas à faire tout le message clair, parce que c'est pas super spontané de faire ça, ça marche peut-être mieux à l'écrit dans un premier temps, on peut utiliser qu'une partie, soit l'observation, soit l'émotion, soit le besoin. Donc par exemple, à Jean-Marc, on peut aller dire « Jean-Marc, là j'ai besoin de communication, j'ai besoin de régularité, j'ai besoin de fiabilité », sans lui faire tout le truc. Voilà. Parfait, voilà, on transmet un peu plus de positivité. Oui, et puis la prochaine étape, pour la ceinture verte, c'est que je vais vous parler de la demande. Comment on fait une demande en communication non violente? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Yves, bonne journée. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.